que pour tout pour faire, Jésus. On y va! Tu es capable, grand et puissant Dieu. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, grand et puissant. tout nos contrats.